À la gare, devant le marchepied d'un wagon-lit, Maître Panis, en costume de voyage, bavarde avec Scartefig et son chauffeur, qui paraissent fort gais. Et alors, où vas-tu ? Et je vais à Paris. C'est pour te la faire le moteur à pétrole ? Oui, je vais signer le contrat. À partir de lundi, je suis seul représentant des moteurs marins pour toutes les bouches du Rhône. Alors c'est vrai, tu vas vendre des moteurs ? Oui. Toi, le maître voilier du port de Marseille, c'est une trahison. Oui, mais je le sais, fils. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est pour le petit, t'es comme moi. Une petite marchande de fleurs passe. Panis lui prend un gros bouquet de roses et le donne à Scartefig. Porte ce bouquet à ma femme, hein, grand fada, puisque tu descends en ville. Et dis-lui que je n'ai pas manqué le train, hein. Bon. C'est petite, voilà. Adieu, hein. Adieu, Panis, et bon voyage. Et l'oncle Maille, adieu. Le vent souffle dans...